La cité mystique de Dieu, par Marie de Jésus, d'Agreda, traduite de l'espagnol par le révérend Père Crozet, 8 livres en 6 volumes, Pociel Guruzan 1862. Extrait du livre 8, volume 6. Marc M. Dan, archive.org d'après, Yves, @thedataoverblog, licence Creative Commons CC 3.0F, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 23, acte de louange et d'action de grâce que moi la moindre des mortels, Sœur Marie de Jésus, a fait au Seigneur et à sa très sainte mère, pour avoir écrit cette divine histoire avec l'assistance de la Reine du Ciel elle-même, suit une lettre qu'elle adresse aux religieuses de son monastère. Je vous bénis, Dieu éternel, Seigneur du Ciel et de la Terre, Père, Fils, et Saint-Esprit, un seul et véritable Dieu, substance et majesté unique en une trinité de personnes. Je vous bénis de ce que, sans qu'il y ait aucune créature qui vous ait donné quelque chose la première, pour en attendre la récompense, Romains 11, 35. Vous découvrez par votre seule clémence ineffable, vos mystères aux petits, Matthieu 11, 45. Et de ce que vous le faites avec une bonté immense et avec une sagesse infinie, vous accomplissez en cela votre bon plaisir, qui sera assez osé que d'y trouver à redire. Par vos œuvres vous glorifiez votre saint nom, vous exaltez votre toute-puissance, vous manifestez votre grandeur, vous déployez vos miséricordes, et vous établissez la gloire qui vous est due comme saint, sage, puissant, bon, libéral, le seul principe et le seul auteur de tout bien. Personne n'est saint comme vous, personne n'est fort comme vous. 1 roi, 2:2. Vous êtes le seul Très-Haut qui tirez l'indigent de la poussière, et qui enlevez le pauvre du fumier, psaume 112, 7. Ô Dieu suprême, la terre vous appartient, et les cieux sont à vous, psaume 88, 12. Vous êtes le Seigneur et le Dieu véritable de toute science. 1 roi, 2, 3, vous ôtez et vous donnez la vie. Ibidem, 6, vous humiliez et vous abattez les superbes jusque dans l'abîme, vous élevez les humbles selon votre volonté, vous faites le pauvre et vous faites le riche. Ibidem, 7, afin que nul homme ne se glorifie devant vous. 1 Corinthiens 1, 29, que le plus fort ne présume point de sa force, et que le plus faible ne perde point courage à cause de sa fragilité et de sa bassesse. Je vous glorifie, Seigneur véritable, Jésus-Christ, roi et sauveur du monde. Je loue votre saint nom, et je donne la gloire à celui qui donne la sagesse. Je vous exalte, auguste souveraine des cieux, bienheureuse Marie, digne mère de mon Seigneur Jésus-Christ, temple vivant de la divinité, dépositaire des trésors de sa grâce, principe de notre salut, réparatrice de la ruine générale du genre humain. Nouvelle joie des saints, gloire des œuvres du Très-Haut, et unique instrument de sa toute-puissance. Je vous bénis, très douce mère de miséricorde, refuge des misérables, protectrice des pauvres, consolation des affligés, je vous glorifie sous ce titre, et tout ce que les anges et les saints reconnaissent en vous, par vous et de vous, je le reconnais, de tout ce dont en vous et par vous il loue et glorifie la divinité, je la loue et la glorifie à mon tour, et pour toutes choses et en toutes choses je vous bénis, je vous magnifie, je vous confesse et je vous crois. Ô Reine et Maîtresse de tout ce qui est créé, qui, par votre seule et puissante intercession, et parce que les yeux de votre clémence m'ont regardé, avez porté votre très saint Fils à jeter sur moi ceux de sa miséricorde paternelle, et à ne pas dédaigner, à votre considération, de choisir ce vermisseau de terre et la moindre de ses créatures pour manifester ce vénérable et mystérieux secret. Le torrent de mes péchés, de mes ingratitudes et de mes misères n'a pu éteindre sa charité immense. Cantique 8, 7. Et mes honteuses et grossières infidélités n'ont pas été capables d'arrêter les écoulements de la lumière et les communications de la sagesse divine dont il m'a favorisé. Je déclare, ô Mère très bénigne, en présence du ciel et de la terre, que j'ai lutté contre moi-même et contre mes ennemis, et que mon âme s'est troublée, placée entre les sentiments de mon indignité et le désir de la sagesse. J'ai élevé mes mains en haut et j'ai déploré l'égarement de mon esprit. Ecclésiaste 51, 26. J'ai dirigé mon cœur vers la sagesse, et je l'ai trouvé dans la connaissance de moi-même. Ibidem 27. Avec cette connaissance j'ai possédé la paix, et quand je l'ai aimée et cherchée, j'ai trouvé une bonne possession et je n'ai pas été confondue. Ibidem 28. La douce force de la sagesse a opéré en moi. Sagesse 8, 1, etc. Elle m'a découvert les choses les plus secrètes et les plus incertaines pour la science humaine. Psaume 50, 7. Elle vous a mise devant mes yeux, Auguste Marie, magnifique image de la divinité et cité mystique de sa demeure, afin que, dans la nuit de cette vie mortelle, vous me guidiez comme une étoile, et que vous m'éclairiez comme la lune du divin soleil, afin que je vous suive comme ma reine, que je vous aime comme ma mère, que je vous obéisse comme à ma directrice, que je vous écoute comme ma maîtresse, et qu'en me regardant en vous comme dans un miroir sans tache et très pur, je réalise en moi le modèle de la haute perfection et de la sainteté que vous m'avez présenté par la connaissance et le nouvel exemple de vos vertus ineffables et de vos actions héroïques. Mais qui a pu porter la majesté souveraine à s'abaisser ainsi jusqu'à cette ville esclave, sinon vous, ô ma puissante reine, qui êtes la grandeur de l'amour, l'étendue de la charité, le prodige de la grâce. Celle qui nous attire la miséricorde et qui a comblé les abîmes que les péchés de tous les enfants d'Adam ont creusés. La gloire, ô Vierge Sainte, vous appartient, et cet ouvrage que j'ai écrit vous appartient aussi, non seulement parce qu'il contient votre très sainte et très admirable vie, mais parce que vous lui avez donné le commencement, le milieu et la fin. Et si vous ne l'eussiez dicté vous-même comme maîtresse, jamais l'esprit humain n'aurait pu le concevoir. Chargez-vous donc de la reconnaissance, car vous seul la pouvez rendre dignement à votre très saint Fils, notre Rédempteur, pour un si rare bienfait. Pour moi je ne puis que vous en supplier au nom de la Sainte Église et au mien. C'est ce que je désire faire, ô Mère et Reine des Vertus. Et, humilié profondément en votre présence, je confesse que j'ai reçu cette faveur et tant d'autres que je n'ai jamais pu mériter. Je n'ai écrit que ce que vous m'avez enseigné et prescrit, je ne suis qu'un muet instrument de votre langue, muet dirigé par votre sagesse. Perfectionnez cet ouvrage de vos mains, non seulement en le faisant dignement servir à la gloire du Très-Haut, mais en achevant encore ce qui manque, afin que j'exerce votre doctrine, que je suive vos traces, que j'obéisse à vos commandements, et que je cours à l'odeur de vos parfums. Cantique 1, 3, qui est le doux baume de vos vertus que vous avez répandu dans cette histoire avec une bonté ineffable. Je me reconnais, ô impératrice du ciel, comme la plus indigne et en même temps la plus redevable des enfants de la Sainte Église. Et afin qu'elle ne soit pas témoin devant le Très-Haut et devant vous d'une monstrueuse ingratitude de ma part, je déclare, je promets et je veux que l'on sache que je renonce à tout ce qui est visible et terrestre, et que j'assujettis de nouveau ma liberté sous l'empire de la volonté divine et de la vôtre, pour n'user de mon libre arbitre, qu'en vue de son bon plaisir, et pour sa plus grande gloire. Je vous prie, ô vous qui êtes béni entre toutes les créatures, de ne point permettre, puisque par la clémence du Seigneur et par la vôtre j'ai, sans l'avoir mérité, le titre de son épouse, que vous m'avez donné celui de fille et de disciple, et que le Seigneur votre Fils a daigné lui-même me le confirmer si souvent, de ne point permettre, ô très pure princesse, que je déchoie de ces titres honorables. Vous m'avez assisté de votre protection pour écrire votre vie miraculeuse, aidez-moi maintenant à pratiquer votre doctrine, en laquelle consiste la vie éternelle. Vous m'ordonnez de vous imiter, gravez en moi votre vive image. Vous avez semé le bon grain en mon cœur terrestre, conservez-le, arrosez-le, vous qui êtes ma mère, ma gouvernante et ma maîtresse, et faites qu'il rapporte du fruit au centuple. Luc 8, 8. Empêchez qu'il ne me soit enlevé par les oiseaux de proie, le dragon et ses démons, dont j'ai vu la colère dans tous les événements de votre vie que j'ai rapportés. Conduisez-moi jusqu'à la fin, commandez-moi comme reine, enseignez-moi comme maîtresse, et corrigez-moi comme mère. Recevez en reconnaissance votre vie même, et la souveraine satisfaction que par elle vous avez donnée à la très sainte Trinité, comme étant l'abrégé de ses merveilles. Que les anges et les saints vous louent, que toutes les nations vous connaissent, que toutes les créatures bénissent éternellement leur Créateur en vous et par vous, et que toutes les puissances de mon âme vous exaltent. J'ai écrit cette divine histoire, comme j'ai dû le répéter si souvent, par ordre de mes supérieurs et de mes confesseurs qui dirigent mon âme, m'assurant par ce moyen que c'était la volonté de Dieu que je l'écrivisse et que j'obéisse à sa bienheureuse mère, qui me l'a prescrit pendant plusieurs années, et quoique je l'ai soumise tout entière au jugement de mes confesseurs. Sans qu'il y ait une phrase qu'ils n'aient vue et examinée avec moi, je la soumets néanmoins de nouveau à leur censure plus approfondie, et surtout à la correction de la Sainte Église catholique romaine, à l'enseignement de laquelle je proteste que je me soumets, comme étant sa fille, pour ne croire que ce que la même Sainte Église notre Mère approuvera, et pour condamner ce qu'elle condamnera, parce que je veux vivre et mourir sous son obéissance. Ainsi soit-il. Lettre aux religieuses de la Conception Immaculée de la ville d'Agreda de la province de Burgos, fille de notre Père Saint François, Sœur Marie de Jésus, leur indigne servante et abbesse, au nom de l'Auguste Reine la Bienheureuse Marie, conçue sans la tache du péché originel. Mes bien-aimées filles et très chères sœurs présentes et à venir dans ce monastère de l'Immaculée Conception de notre Grande Reine, dès l'heure où la Providence du Seigneur m'eut attribué les fonctions de supérieur, que je remplis indignement en vertu de la sainte obéissance, mon cœur fut percé de deux traits de douleur qui le pénètrent et le déchirent encore à présent. D'abord je sentis une vive crainte en voyant remis entre mes mains et sous ma garde le vase du plus précieux du sang de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'état et les âmes de vos révérences, appelées et choisies en vertu de sa passion et de sa mort pour la plus grande pureté de vie et pour la plus haute sainteté. Ce grand trésor déposé dans des vases fragiles, 2 Corinthiens 4, 7, et confié à un autre vase plus terrestre et plus exposé à se briser, c'est-à-dire à la moindre religieuse, à la plus tiède et à la plus négligente, me causa une grande surprise et une peine plus grande encore. Je sentis ensuite une vive inquiétude qui était la conséquence de cette crainte, car comment celle qui ne sait pas garder sa vigne, gardera-t-elle les vignes des autres ? Cantique 1, 6. Avec quelle tristesse celle qui trouvait dans l'obéissance sa consolation et le remède à ses misères, ne devait-elle pas perdre un bien qu'elle connaissait, et commencer à exercer une autorité qu'elle ignorait? Vos révérences ont ouï dire plusieurs fois que la pureté virginale et la chasteté religieuse est le premier fruit, le plus odoriférant et le plus doux de la vie et de la mort de notre Rédempteur Jésus-Christ, que c'étaient les titres honorables que notre séraphique Père Saint-François donnait à cette vertu. Que si le Sauveur a versé pour tous le sang de ses veines sacrées, 2 Corinthiens 5, 15, nous devons être persuadés, nous autres religieuses, qu'il nous a appliqué ce sang et surtout celui de son cœur. Car ce n'est pas sans mystère qu'il dit lui-même à l'épouse qu'elle lui a blessé le cœur, Cantique 4, 9, qui se laisse blesser le cœur ne veut point refuser son sang, et, il semble qu'il le verse et le donne avec son plus grand amour. Au moins, mes très chères sœurs, nous savons toutes par la doctrine véritable et catholique, dans laquelle la Sainte Église nous élève, que notre Seigneur Jésus-Christ traite les âmes pures comme ses épouses, avec une tendre familiarité, et qu'il leur fait des caresses et des faveurs toutes particulières, comme trouvant en elles ses délices et le fruit de son sang, de sa vie, de sa doctrine, de sa passion et de sa mort douloureuse. Cette vérité est établie dans toute l'Écriture, et spécialement dans les mystères du Cantique des Cantiques que vos révérences méditent chaque jour. Vous ne vous étonnerez donc pas de ma douleur et de mon inquiétude, et si vous ne voulez pas tant examiner ma faiblesse, que chacune de vous examine du moins la sienne propre. Considérez que nous sommes toutes formées du même limon et d'une pâte aisée à se rompre, des femmes imparfaites et ignorantes, et qu'aucune ne l'est plus que celle qui devrait l'être moins, c'est ce que vous devez toutes reconnaître et avouer, afin que nous craignions tout le péril. Vos révérences pourraient comprendre combien celui de la supérieure est plus grand que celui des inférieurs, si elles mettaient dans un bassin de la balance leur tranquillité et leur consolation, et dans l'autre mes soucis et mes afflictions. Il y a 30 ans accomplis que je remplis indignement et malgré moi cet office. Or de quelle consolation ou de quel repos peut jouir une supérieure, sachant que si elle dort, si seulement elle sommeille, elle hasarde le trésor qui lui a été confié, puisque le Seigneur, pour nous assurer qu'il garde Israël, nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Psaume 120, 4. C'est beaucoup que Dieu ordonne à une créature terrestre et faible de ne point dormir, mais si on lui demande de ne pas sommeiller, qui pourrait se promettre de le faire, si le Seigneur même n'était la sentinelle qui nous garde avec vigilance, la vertu qui nous donne des forces, la lumière qui nous conduit, le bouclier qui nous défend, et l'auteur de toutes nos bonnes œuvres? Vos révérences m'ont vu plusieurs fois affligée, d'autres fois impatiente et toujours craintive dans cet office, et je vous avoue que par l'expérience de mes négligences j'y aurais perdu courage, si Dieu ne m'eût fortifié comme Père de la consolation et des miséricordes. Je ne puis pas oublier les ordres qu'il m'a donnés et les promesses qu'il m'a faites, et j'avoue que, le cas échéant, il m'a toujours prescrit d'accepter cet office d'obéir à mes supérieurs, me promettant l'assistance de sa puissante grâce. Et pour me tranquilliser et me satisfaire davantage, le Seigneur a toujours porté nos supérieurs, sans que j'eusse manifesté ses ordres, à m'obliger par leur autorité de l'accepter, et l'obéissance étant toujours le parti le plus sûr. Je me suis soumise au joug qui m'a été imposé de gouverner vos révérences. Le Seigneur daigna joindre par l'entremise de sa divine mère une autre assurance à celle-là, car cette charitable reine m'informa qu'il était convenable que j'obéisse au Très-Haut et à ses ministres, en me chargeant du soin de sa maison. et afin de satisfaire le désir que j'avais d'obéir et d'être inférieur, elle me promit avec une bonté maternelle qu'elle exercerait à mon égard l'office de supérieur, qu'elle me dirigerait en tout, que je lui obéirais, et que vos révérences m'obéiraient. C'est dans cette occasion, à l'époque où je pris le gouvernement, que la bienheureuse mère m'ordonna d'écrire l'histoire de sa vie. Elle me fit connaître que c'était sa volonté et celle de son très saint fils, comme je l'ai déclaré dans ma première introduction, où j'ai aussi dit que ses ordres furent réitérés, à cause du retard que j'apportais à commencer l'ouvrage. Je connus dès le premier jour la grandeur de cette entreprise, et ce ne fut pas ce qui me décourageait le moins, quoique le légitime empêchement pour m'excuser d'écrire sur une matière si sainte et si sublime, fussent mes péchés et mes tiédeurs. Je ne fus pas fort instruite dans les commencements des fins que le Seigneur a eues en cet ouvrage, car il me suffisait d'obéir au Très-Haut et à mes supérieurs, sans éplucher sa sainte volonté. Ensuite, dans le cours de cette histoire, j'ai dit ce que la grande reine du ciel m'a ordonné et manifesté pour ce qui regardait mon propre avancement aussi bien que celui de vos révérences, comme vous le verrez lorsque vous lirez cette très sainte vie, où vous trouverez beaucoup d'avis et d'instructions que la même reine m'a prescrit de vous transmettre. Mais à la fin de cette histoire, je veux m'expliquer d'une manière plus complète, en faisant connaître à vos révérences l'obligation en laquelle notre grande reine les a mises. Car j'ai souvent découvert dans son cœur maternel l'amour particulier avec lequel elle regarde ce pauvre monastère, et j'ai su que c'est pour cela, et parce qu'elle agrée vos bons désirs et vos prières, qu'elle a daigné nous faire cette faveur singulière, à nous et à celles qui viendront après nous, de nous donner sa très sainte vie comme un modèle et un miroir brillant et sans tache, afin que nous perfectionnions la nôtre. Et quand je n'aurai point d'autre raison pour connaître cette volonté de notre charitable maîtresse, elle résulte très bien clairement pour tout le monde de l'ordre même qu'elle m'a donné d'écrire cette très sainte vie. Cette bonté si maternelle modéra mes peines, dissipa ma tristesse, et ranima mon cœur affligé, car il est certain, mes sœurs, qu'encore que je fusse si tiède, je sentis que je devais travailler autant qu'il dépendait de moi, à vous porter à être des anges par la pureté, zélés pour la perfection, enflammés de l'amour qu'exige le nom que nous avons et l'état que nous professons de filles de la très pure Marie, et d'épouse de son très saint Fils notre Rédempteur. Je pouvais bien souhaiter tout cela et plusieurs autres biens à vos révérences, mais je ne pouvais point les mériter, et je ne me trouvais point non plus capable de vous nourrir de la doctrine et de vous former par les exemples dont vous aviez besoin et que je devais vous donner. Notre très douce reine y suppléa en se donnant elle-même à nous comme maîtresse et comme exemplaire, et ce fut le plus grand bienfait qu'elle put nous accorder en la vie mortelle en laquelle nous nous trouvons. Nous avons reçu encore une autre faveur bien particulière que vous connaissez, mais dont vous n'appréciez pas assez toute la valeur, et vous ne devez pas croire, ni celles qui viendront après vous, que ce soit une simple cérémonie et une dévotion ordinaire, c'est d'avoir été toutes inspirées par un sentiment mystérieux d'élire et de nommer l'Auguste Marie conçue sans péché originelle, patronne et supérieure de cette communauté. Je proposais ce dessein à vos révérences pour les raisons que j'ai dites, et pour plusieurs autres qu'il n'est pas nécessaire de rappeler. Ensuite nous fîmes ensemble un écrit, où nous déclarâmes prendre la grande reine du ciel pour notre patronne, et que nous conservons, afin qu'aucune de celles qui viendront après nous, ne l'ignore ni déroge, et que toutes les supérieures de ce monastère se regardent comme les coadjutrices et les vicaires de la bienheureuse Marie, notre unique et perpétuelle supérieure, et afin que nous lui obéissions toutes, puisque tout notre bonheur consiste en cela. La divine mère m'accorda cette faveur à cette condition, parce que je suis la première supérieure de ce monastère, et celle qui en avait un plus grand besoin, comme la plus inférieure et la plus indigne des créatures. Et comme ce bienfait fut une confirmation du premier, je veux que vos révérences sachent que notre grande reine a accepté l'élection que nous en avons faite pour être notre patronne et notre supérieure, et que son très saint fils l'a confirmé. Telle est la force que cette élection a dans le ciel. Après toutes ces précautions, j'ai remis entre les mains de la très pure Marie le vase du précieux sang que le Seigneur m'a confié en me chargeant du soin des âmes de vos révérences, pour qu'il soit aussi en sûreté que je le désire. Et comme je n'ai pas été dégagée par là des obligations de la responsabilité qui m'incombe, je me jette aux pieds de vos révérences et de toutes celles qui viendront dans ce monastère, et je vous prie au nom du Seigneur lui-même et de son auguste mère, de vous reconnaître plus étroitement et plus fortement liés par les douces chaînes de l'amour divin que toutes les autres filles de l'Église et de notre Saint Institut. Abandonnez donc, mes très chères sœurs, le monde, oubliez-le de tout votre cœur, sans vous souvenir des créatures ni de la maison de vos parents. Psaume 44, 11. Débarrassez vos puissances et vos sens des images et des soins des choses passagères, car vous avez beaucoup à faire pour vous acquitter de cette dette, et vous ne sauriez contenter notre Seigneur Jésus, Christ et sa très douce mère par une vertu ordinaire et commune, mais seulement par une vie et par une pureté angélique. On doit mesurer le retour par le bienfait que l'on a reçu. Or comment satisferez-vous avec ce que les autres âmes font pour satisfaire à leur obligation, si vous devez plus qu'elles toutes? Notre Sauveur, Jésus-Christ aurait pu se borner, à faire à l'égard de ce monastère ce qu'il fait communément à l'égard des autres, aussi bien que sa très sainte mère, mais sa divine clémence s'est montrée prodigue envers nous. Cela étant, serait-il juste, serait-il raisonnable que nous ne nous signalions point par notre amour, par notre humilité, par notre pauvreté, par notre oubli du monde et par la perfection de notre vie? Notre grande reine et notre auguste maîtresse s'acquittent de cet office comme une très fidèle et une véritable supérieure. En voici une preuve. Quand, sur le point d'achever d'écrire cette troisième partie, je me demandais comment je lui dédierais l'histoire de sa très sainte vie, elle répondit à mon désir en me témoignant qu'elle l'approuvait et qu'elle l'agréait, parce que tout ce que cette histoire contenait venait d'elle. Mais ensuite elle me prescrivit de la dédier à vos révérences, afin de vous enseigner en elle et par elle le chemin de la vie et de la perfection très sublimes auxquelles nous sommes appelés, et pour lesquelles nous avons été tirés du monde. Et comme c'est là surtout ce que j'ai voulu vous faire connaître par ce que j'écris ici, j'ai cru devoir vous rapporter les paroles mêmes par lesquelles l'Auguste Vierge m'a prescrit de vous l'annoncer de sa part. Et pendant que notre charitable supérieur parlera, je me tairai. Voici quelles furent ses paroles. Ma fille, dédiez cette histoire de ma vie à vos religieuses, nos inférieures, et dites-leur de ma part que je la leur donne comme le miroir devant lequel elles doivent orner leurs âmes, et comme les tables de la divine loi, qui est exposée dans les termes les plus clairs. Je veux qu'elles se gouvernent et qu'elles règlent leur vie par elles, exhortez-les donc vivement à l'apprécier, à l'estimer et à la graver dans leur cœur, afin qu'elles ne l'oublient jamais. J'ai manifesté au monde son remède, et à elles en premier lieu, afin qu'elles marchent sur mes pas, dont je leur montre si clairement la trace, et tout a été fait par la providence du Très-Haut. Sa divine majesté veut que les religieuses de ce monastère observent inviolablement trois choses. La première est d'oublier le monde, de s'abstenir de toute espèce de relation et d'amitié intime avec les créatures, de quelque état, de quelque sexe ou de quelque condition qu'elle soit, et de ne parler que rarement à des personnes du siècle, et jamais en tête à tête, fût-ce pour de bonnes fins, si ce n'est au confesseur pour se confesser. La seconde, de conserver entre elles une paix et une charité inaltérables, s'aimant de tout leur cœur les unes les autres en Dieu, sans partialité, sans division ni dispute, et chacune souhaitant pour toutes ses consœurs ce qu'elle désire pour elle-même. La troisième, de se conformer scrupuleusement à leurs règles et à leurs constitutions dans les grandes choses et dans les petites, ou comme de très fidèles épouses de Jésus-Christ. Pour s'acquitter exactement de tout cela, elles doivent avoir une dévotion cordiale pour moi, et aussi pour l'archange Michel, et pour mon serviteur François. Et si l'une d'elles ose témérairement entreprendre d'altérer en quoi que ce soit ce qui est écrit dans l'acte de mon patronage, ou méprise ce bienfait singulier de l'histoire de ma vie telle qu'elle est écrite, qu'elle sache qu'elle encourra l'indignation du Très-Haut et la mienne, et qu'elle sera punie en cette vie et en l'autre avec toute la sévérité de la divine justice. Quant à celles qui, pleines de zèle pour leur âme, pour l'honneur du Seigneur et pour le mien, travailleront à imiter cette vie, à la faire connaître et à maintenir dans la communauté la régularité, la paix et la charité que je veux qu'on y observe. Je leur donne ma parole, comme mère de Dieu, que je serai leur mère, leur protectrice et leur supérieure, que je les consolerai et prendrai soin d'elles durant leur vie mortelle, et qu'après je les présenterai à mon très saint fils. Et si quelque autre monastère de religieuses, soit de mon ordre de la Conception, soit de tout autre institut quelconque, veut recevoir, estimer et pratiquer cette doctrine qui se trouve dans l'histoire de ma vie, je lui fais la même promesse qu'à vos religieuses. Ce sont là les paroles de la grande reine du ciel, après lesquelles je devrais me dispenser de vous en dire davantage, si je ne me sentais forcée de continuer par la tendre affection que je dois avoir pour vos révérences, après qu'elles m'ont supporté tant d'années non seulement comme sœur, mais même comme leur supérieure, malgré toute mon indignité. Je ne puis refuser cette marque de reconnaissance à une pareille charité, et je n'y saurais mieux satisfaire qu'en vous priant avec les plus vives instances de n'oublier jamais les promesses et les menaces que vous avez entendues, considérant qu'elles ont été faites par une maîtresse souverainement puissante, aussi libérale pour accomplir ce qu'elle promet, que sévère pour châtier ceux qui l'offensent. Je désire profondément inculquer dans votre esprit cet avis important, et suppléer par mes pressantes exhortations à la brièveté de la vie, car si je ne sais pas jusqu'où le Seigneur me la prolongera, je sais que la vie la plus longue est très courte pour satisfaire à tant d'obligations. C'est pourquoi je voudrais que toutes les conversations de vos révérences ne servissent qu'à leur rappeler avec cet avis les bienfaits du Seigneur et ceux de sa bienheureuse mère, à l'exclusion de tout autre souvenir. Souvenez-vous aussi, mes bien-aimées sœurs, non seulement des bienfaits cachés et secrets, mais encore des bienfaits publics que Dieu a répandus sur ce monastère dès le premier jour de sa fondation, les augmentant chaque jour avec une clémence libérale. Tout le monde a trouvé miraculeux qu'il se soit établi nonobstant la pauvreté de mes parents, et que les volontés des personnes qui composaient leur famille se soient accordées pour cela. Car il lui semblait impossible d'unir six personnes pour le même dessein, si la droite du Très-Haut n'eût agi. En très peu de temps notre maison fut établie sans avoir les sources nécessaires pour faire face à nos premiers besoins, et pour distribuer d'une manière convenable notre couvent si exigu, et ce qu'a opéré alors la divine grâce a excité l'admiration de tous les fidèles. Nous avons encore reçu plusieurs autres bienfaits qu'il n'est pas nécessaire de rapporter, puisque vos révérences les ignorent, mais qui ne laisse pas d'obliger les cœurs humbles et reconnaissants à rendre à Dieu de justes actions de grâce pour tant de bonté, et à donner au monde la satisfaction que nous lui devons, en faisant tout notre possible pour devenir telles et aussi bonnes qu'il nous croit, et plus parfaites que nous ne l'avons été jusqu'à présent. Vos révérences ont vu en un court laps de temps tout ce que je viens de dire. Et afin de conclure avec une plus grande efficace la prière et l'exhortation que je vous fais, je rapporterai quelque chose de ce qui m'est arrivé lorsque j'avais déjà entrepris cette histoire. Puisque nos supérieurs m'ordonnent d'en écrire ici une partie, afin que vos révérences sachent combien elles doivent estimer la doctrine de la Reine du Ciel. Il m'arriva un jour de l'Immaculée Conception qu'étant au cœur pour dire matine, je reconnus une voix qui m'appelait qui demandait de moi une nouvelle attention pour les choses d'en haut. À l'instant je fus élevé de cet état à un autre plus sublime, où je vis le trône de la divinité tout resplendissant de gloire et de majesté. Il sortit du trône une voix qui me semblait pouvoir se faire entendre de tout l'univers, laquelle disait « Pauvres abandonnés, ignorants, pécheurs, grands, petits, malades, faibles, vous tous enfants d'Adam, de quelque état, condition et sexe que vous soyez, prélats, princes et sujets, écoutez tous d'un pôle à l'autre. Recourez pour votre remède à ma libérale et infinie providence, par l'intercession de celle qui a donné la chair humaine au Verbe. Venez, car il est temps, et bientôt les portes se fermeront, parce que vos péchés mettent des verrous à la miséricorde. Venez au plus tôt, hâtez-vous, puisque cette seule intercession empêche que ces verrous ne la ferment. Elle est seule assez puissante pour solliciter votre remède et pour l'obtenir. Après avoir oué cette voix du trône, je vis sortir de l'être divin quatre globes d'une lumière admirable, qui se répandaient comme des astres très éclatants dans les quatre parties du monde. Il me fut ensuite découvert que dans ces derniers siècles le Seigneur voulait exalter et étendre la gloire de sa bienheureuse mère, et manifester au monde ses miracles et ses mystères cachés, réservés par sa providence jusqu'au temps où la connaissance lui en serait le plus nécessaire, afin que tous ceux qui vivent à cette époque se prévalent du secours, de la protection et de la puissante intercession de notre auguste reine. Je vis ensuite un dragon hideux à cette tête sortir de l'abîme, accompagné de milliers d'autres, qui parcoururent tous ensemble le monde, cherchant et se désignant les hommes dont ils se serviraient pour s'opposer au dessein du Seigneur, et pour tâcher d'empêcher la gloire de sa très sainte mère, et les bienfaits qui, allaient, être déposés dans sa main pour l'univers entier. Le grand dragon et ses satellites tâchaient de répandre des flots de fumée et de venin pour envelopper les hommes de ténèbres et les infecter, afin de les détourner de chercher le remède de leur propre calamité par l'intercession de la très douce Mère de Miséricorde, et de lui décerner assez de gloire pour se la rendre favorable. Cette vision des dragons infernaux me causa une juste douleur. Mais je vis aussitôt après que deux armées bien rangées se disposaient dans le ciel à combattre contre eux. L'une de ces armées était de notre grande reine et des saints, et l'autre était de Saint-Michel et de ses anges. Je connus que le combat serait acharné de part et d'autre. Mais comme la justice, la raison et la puissance sont du côté de la reine de l'univers, l'issue de la lutte n'était pas douteuse. Néanmoins la malice des hommes abusés par le dragon infernal peut beaucoup empêcher les très hautes fins du Seigneur. En effet, il ne tend dans ses desseins qu'à nous procurer le salut et la vie éternelle, mais comme il faut que notre libre arbitre y coopère de notre côté, la perversité humaine peut aussi s'en servir pour résister à la bonté divine. Et cette cause étant celle de notre très douce et très charitable reine, il faudrait que tous les enfants de l'Église la regardassent comme l'est leur propre, mais cette obligation regarde de plus près les religieuses de ce monastère, parce que nous sommes les fils aînés de cette auguste mère, que nous combattons sous son nom et sous le vocable du premier de ses privilèges et des dons qu'elle reçut en sa conception immaculée et surtout parce que nous nous trouvons si favorisés de sa bonté maternelle. Il arriva dans une autre circonstance que je me sentis fort inquiète, en me demandant si j'avais bien écrit cette divine histoire, et cette inquiétude était bien naturelle, puisque la grandeur de l'œuvre surpassait toute intelligence angélique et humaine, je comprenais que si je tombais dans quelque erreur, elle ne pouvait être légère, et je faisais d'autres réflexions qui, avec mon naturel timide et lâche, m'affligeaient beaucoup. Or, livré à ces pensées, je fus appelé et élevé à un autre état supérieur, dans lequel je vis le trône de la très sainte Trinité et les trois personnes divines, et la bienheureuse Vierge à la droite de son Fils, tous au milieu d'une gloire immense. Il se fit comme un silence dans le ciel, tous les anges et tous les saints étant attentifs à ce qui se passait sur le trône de la Majesté suprême. Je vis que la personne du Père tirait, comme du sein de son être infini et immuable, un très beau livre, d'un plus grand prix et enrichi de plus d'ornements qu'on ne pourrait se l'imaginer, mais il était fermé, et l'ayant remis au Verbe incarné, il lui dit, « Ce livre et tout ce qui y est contenu est mien, il m'est très agréable. » Notre Sauveur Jésus-Christ le reçut avec une estime infinie, et, l'ayant comme approché de sa poitrine, il répéta les paroles du Père éternel, que confirma à son tour le Saint-Esprit. Puis ils le mirent entre les mains de la bienheureuse Marie, qui le reçut avec une complaisance incomparable. Je considérais la beauté et la richesse du livre, et je remarquais l'approbation qui lui était donnée sur le trône de la divinité. Et cela excita en moi un désir très ardent de savoir ce qu'il contenait, mais une crainte respectueuse m'empêchait de le demander. Bientôt la grande reine du ciel m'appela et me dit, « Voulez-vous savoir quel livre est celui que vous avez vu? Soyez donc attentive et regardez-le. » La divine mère l'ouvrit, et me le présenta, afin que je puisse le lire. Je le lus, et je trouvai que c'était la même histoire de sa très sainte vie, dans le même ordre et avec les mêmes chapitres que je l'avais écrite. Après cela notre auguste reine ajouta, « Vous pouvez bien être maintenant tranquille. » Elle me dit cela pour modérer et calmer mes craintes, comme elle le fit, car ses vérités et ses faveurs du Seigneur sont d'une telle nature, qu'elles font à l'instant cesser tout trouble, tout doute dans l'âme, qu'elles animent d'une très douce force, qu'elles illuminent, qu'elles satisfont et reposent. Il est vrai aussi que le superbe dragon ne se croit pas vaincu pour cela, et le Seigneur le lui permettant pour nous éprouver, il revient inquiéter l'âme comme une mouche importune. Et c'est ce qu'il a fait à mon égard, sans me laisser écrire un mot dans cette histoire qui n'est contredit avec une obstination incroyable, et par des tentations qu'il n'est pas nécessaire de rapporter. La plus ordinaire de ces tentations, c'était de me dire que tout ce que j'écrivais ne venait que de mon imagination ou du raisonnement naturel, ou bien que tout était faux et uniquement propre à tromper le monde. Et la colère que cet ouvrage a inspirée à ce dragon est si grande, que, pour le décréditer, il s'humiliait à dire que ce n'était tout au plus qu'une méditation, et le fruit d'une raison ordinaire. Le Seigneur m'a défendu de toutes ces persécutions par le bouclier de l'obéissance et par la direction, les conseils et les instructions de mes directeurs, et pour me confirmer dans le bienfait que j'ai rapporté, il en ajouta un autre semblable à celui-là. Lorsque j'étais sur le point de finir cette histoire, un jour que je faisais oraison avec la communauté, je me trouvai placé, par les mêmes moyens que les autres fois, devant le trône de la divinité. Et après les actes et les opérations que l'âme y fait, Je vis que du même être de Dieu et comme de la personne du Père, s'élevait un arbre d'une grandeur immense et d'une beauté merveilleuse. Notre Sauveur Jésus-Christ d'un côté, sa bienheureuse mère de l'autre, et l'arbre entre les deux. Tous les mystères de l'incarnation, de la vie, de la mort et des œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ, et tous ceux de la vie et des privilèges de sa très sainte mère, étaient écrits sur les feuilles de cet arbre, qui me les présentèrent tous en général, et chacun en particulier, tels que je les ai écrits. Le fruit de cet arbre était comme un fruit de vie, et je connus que l'arbre était véritablement celui que signifiait cet autre que Dieu avait planté au milieu du paradis terrestre. Genèse 2, 9. Les saints regardaient cet arbre avec attention et avec plaisir. Et les anges disaient avec admiration, « Quel est donc cet arbre d'une beauté si merveilleuse, qui nous fait porter envie à ceux qui jouissent de ses fruits ? Heureux, trois fois heureux ceux qui cueilleront et goûteront de ce fruit pour recevoir une si grande grâce et la vie éternelle qu'il renferme en lui-même. Est-il possible que les mortels, pouvant se nourrir de ce fruit, ne se hâte point de le cueillir? Venez, venez tous à cet arbre, car son fruit est déjà mûr, vous en pouvez goûter. La fleur qui nourrissait les anciens patriarches et les prophètes est devenue maintenant un fruit exquis. Les branches qui étaient si élevées se sont maintenant abaissées à la portée de tous. Les anges s'adressèrent à moi, et me dirent, « Épouse du Très-Haut, soyez la première à en cueillir avec abondance, puisque vous êtes si près de cet arbre de vie. Que ce soit là le fruit des peines que vous avez prises pour l'écrire, témoignez ainsi votre reconnaissance pour la manifestation des mystères qui vous ont été découverts. Faites des prières au Tout-Puissant. Afin que tous les enfants d'Adam les connaissent et profitent de l'occasion dans le temps qui leur est favorable, et qu'ils louent le Très-Haut en ses merveilles. Il n'est pas nécessaire d'en dire davantage à vos révérences pour vous faire aimer cet arbre et ses fruits. Je vous le mets devant les yeux afin que vous étendiez vos mains pour en cueillir et en goûter, et je vous assure, mes très chères sœurs, qu'il ne vous arrivera point ce qui arriva à notre mère Ève, car le premier arbre et son fruit étaient défendus, Jean 3, 6, tandis que le Seigneur vous invite à toucher à celui-ci, car il l'a planté pour cela. Le premier arbre et son fruit renfermaient la mort, cet arbre s'y renferme la vie. Goûtons de ce fruit que notre patronne et notre supérieur nous présentent, et éloignons-nous de celui qu'elle nous a défendu, car pour ne point le toucher, il faut ne pas le regarder, et pour ne pas le goûter, il faut ne point le toucher. Et afin que vous vous disposiez mieux à ce festin par les exercices spirituels que l'on a coutume de faire de temps en temps en religion, je vous donnerai pour les faire une méthode que je tirerai de cette histoire, suivant l'ordre de notre auguste reine, ainsi que je l'ai dit plus haut. En attendant, vous vous servirez de celle qui a été tirée de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, telle qu'elle est écrite. Demandez-lui sa divine grâce pour moi comme pour vous-même, et que sa bénédiction éternelle descende sur toutes vos révérences ainsi, soit-il. J'ai achevé d'écrire pour la seconde fois cette divine histoire et la vie de la bienheureuse Marie le 6 mai de l'année 1660, le jour de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Je supplie les religieuses de cette communauté de ne point permettre que cet original sorte du monastère, que si, par quelque ordre des supérieurs, on veut l'examiner, elles n'en donneront qu'une copie. Et si l'on demande l'original pour la lui confronter, elles donneront seulement un livre après l'autre, et se feront rendre le premier avant de donner le second, et ainsi des autres, pour éviter de nombreux inconvénients, et parce que c'est la volonté de Dieu et celle de la Reine du Ciel. Sœur Marie de Jésus.